Aujourd'hui, la loi pour le mariage pour tous avec notre invité Erwan Binet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député de l'Isère et que vous étiez le rapporteur de cette loi. Donc vous êtes vraiment en situation et vous l'étiez à ce moment-là. En 2006, vous êtes revenu sur cette, sur cette histoire dans un livre co-signé avec Charlotte Rottmann intitulé La bataille du mariage pour tous, édité chez Books. Alors, vous avez remarqué que nous sommes fait l'écho évidemment des manifestations et des bruits de la rue, mais nous avons choisi cet angle du processus législatif, d'abord parce qu'il est différent et aussi parce que ça répond peut-être à de fausses accusations lancées par les Français contre les députés qui ne travaillent pas, qu'on voit pas dans les travées ou qu'on voit lorsqu'il y a des caméras. Là, ça montre que l'essentiel du travail d'un député, ça se fait en amont, hein, avec ces fameuses auditions. On prépare pas une loi comme ça à la va-vite. On peut mettre 2 ans à préparer une loi et aller interroger les gens qui sont concernés de près ou de loin par ce dispositif-là. Et je crois, il me semble que vous gardez un souvenir fort de ce processus-là, même s'il se fait pas forcément sous les caméras, bien que, on pouvait le regarder sur Internet. Hein. Oui, c'était une volonté d'ailleurs. C'était tout à fait volontaire de vouloir, de manière tout à fait exceptionnelle, puisque des auditions organisées par les rapporteurs des différents textes, il en existe. Elles ont lieu tous les jours à l'Assemblée nationale, évidemment. Mais c'était vraiment la première fois une volonté du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et de nous tous, pour deux raisons. D'abord, Claude Barthelone avait le souci de vouloir effectivement montrer aux Français la façon dont on travaillait à l'Assemblée nationale. C'était une volonté en tant que président. Il avait la volonté sur ce texte-là, dont on savait pertinemment que les enjeux étaient accessibles. C'était pas des discussions très techniques, finalement. Peut-être le texte sur lequel il fallait peut-être ouvrir ses auditions. Et puis, la raison qui, moi, m'importait, c'était de pouvoir donner aux Françaises et aux Français toutes les clés pour la compréhension de ce texte. Parce qu'au tout début, au début du mois de septembre, peu de temps à l'automne, au moment où le texte n'était même pas encore adopté en Conseil des ministres, mais toutefois le débat commençait à mûrir dans la société, il y avait les premières manifestations qui étaient organisées, beaucoup de gens que je rencontrais me disaient « mais vous allez créer des familles homoparentales ». Et je me rendais compte qu'une grande partie des Français ignoraient la situation des familles homoparentales. Or, ce texte-là apportait des solutions aux familles. Ouais. Et il m'importait pour moi qu'elles aient toutes les clés de la compréhension de ce texte. Et le rapporteur, quel est son rôle précisément pour n'importe quelle loi, celle-là comme les autres? Le rapporteur pour la commission des lois, il doit animer la réflexion de sa commission, donc en l'occurrence la commission des lois à laquelle j'appartiens, sur un texte qui est déposé par le gouvernement. Et donc le gouvernement a fait des arbitrages, a fait des choix politiques, évidemment, aussi des choix de rédaction, des choix plus légistiques. Et le rôle du rapporteur est de se faire son opinion et d'animer l'opinion des parlementaires, et particulièrement ceux de la Commission des lois, en expertisant les choix du gouvernement et en entendant effectivement toute personne qui peut avoir un avis sur la question. Alors justement, est-ce que ces auditions ont battu en brèche certaines de vos convictions, par exemple, ou certaines de vos certitudes? Dans quelle proportion ces auditions peuvent vraiment orienter la loi? Elles ont orienté sur des aspects techniques et de légistique, ça c'est très clair. On avait quelques difficultés de rédaction de ce texte, pas forcément des maladresses, mais des partis pris du gouvernement ou des choix avec lesquels nous n'étions pas forcément en accord, nous, parlementaires. Mais sur le fond du texte, moi comme d'autres, nous connaissions parfaitement le sujet. Donc nous n'avons pas appris grand-chose, nous avons eu des confirmations de ce que nous savions par le passé, ou que nous savions parce que nous connaissions le sujet. En revanche, je sais que d'autres collègues ont pu évoluer dans leur appropriation du texte. Il n'est un secret pour personne que certains députés, y compris à gauche, y compris dans mon groupe socialiste, avaient quelques réticences avec ce texte, et ils ont pu évoluer au cours des 6 mois d'audition, des 6 mois de ce débat. Alors, ce qui avait étonné certains, peut-être pas la majorité, mais certains Français dans la proposition, dans ce projet de loi, c'est un projet de loi, c'est qu'à la fois on ouvrait la porte vers le progrès et la tolérance, hein, en permettant aux homosexuels d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, mais adossé finalement au mariage, qui est une institution assez conservatrice finalement. Il y avait une sorte peut-être une dichotomie. À titre personnel, j'ai jamais trouvé, même étant de gauche, que le mariage soit une institution conservatrice. Néanmoins, effectivement, c'est une remarque qu'on nous a fait régulièrement. Le mariage est quand même une institution importante de notre code civil. L'idée, et c'est, on a entendu Christiane Taubira tout à l'heure parler de la charge symbolique du mariage, était de ne pas créer une autre institution parallèle qui aurait créé de la discrimination finalement, qui aurait entraîné une sorte de discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, mais tout simplement de mettre couverts par la même institution, toutes les formes de famille et toutes les formes de couple. Et c'était symboliquement extrêmement important qu'on ne cède pas à la pression de la rue qui, à la fin du fin, pouvait éventuellement accepter une forme d'union un peu plus forte que le Pax, pourvu qu'on ne l'appelle pas mariage. Et on n'a pas voulu céder à cela pour la charge symbolique du mariage, tout simplement. Répondrez-vous sincèrement à la prochaine question, celle qui vient. François Hollande est-il convaincu par ce projet de loi? Est-ce qu'il l'a fait passer parce qu'il s'est dit que voilà, il était au pouvoir et qu'il pouvait faire avancer les choses? Est-ce qu'il était vraiment convaincu par ça? François Hollande n'est pas un homme marié. Est-ce qu'il est convaincu lui-même par le mariage? Je crois qu'il a pu par le passé publiquement dire non pas ses doutes, parce que il n'est pas homme à vouloir étaler sa vie privée, on le connaît, vis-à-vis de l'institution du mariage elle-même. Maintenant, je l'ai toujours vu extrêmement convaincu par ce texte, et il s'est toujours battu, enfin en tout cas il nous a toujours encouragé dans le débat. Mais quand il l'a dit au maire de France, oui, mais votre conscience, elle est là quand même. Comment vous avez réagi? Nous étions tous en audition d'ailleurs au même moment. J'apprends ça par des tweets que je reçois et des alertes de dépêches que je reçois sur mon portable. J'ai quitté immédiatement l'audition pour essayer de comprendre ce qui se passait porte de Versailles. On a assez vite compris que François Hollande n'avait pas forcément voulu dire ça, que c'était une maladresse de langage, si l'on peut le dire. Et on est allé très rapidement le dire aux journalistes, dès lors qu'il nous a formellement confirmé qu'effectivement, nous ne changeons rien à notre point de vue, au projet de loi, au fond, et qu'il ne fallait pas imaginer que lui-même avait changé, qu'en l'occurrence, effectivement, on avait interprété des paroles qui n'était pas forcément celle qu'il avait l'intention de prononcer. Bon, arrêtons-nous maintenant une minute avant d'écouter le reportage de Sophie Hoffmann. Arrêtons-nous sur une ligne de train, Paris-Bruxelles. Donc vous êtes allé consulter en Belgique. C'est assez étonnant quand même. Et quel souvenir vous gardez de cela? Est-ce que ça vous a apporté beaucoup? Ça a beaucoup surpris les Belges, les médias belges et les élus belges qui goûtaient avec une certaine gourmandise le fait que des parlementaires français, oui, qui souvent, la France regarde souvent la Belgique avec un peu de commisération ou en tout cas de condescendance, et donc ils goûtaient. Alors le matin même, dans la presse belge, la presse bruxelloise, il y avait des caricatures qui n'étaient pas très valorisantes pour nous, d'autant plus que ce texte est passé en Belgique avec une facilité déconcertante, sans débat public vraiment très important, contrairement à nous. Donc il se posait beaucoup de questions. Nous, ça nous a apporté beaucoup de choses sur la façon et surtout l'état d'esprit dans lequel sont les Françaises, les couples de Françaises qui vont recourir à la PMA en Belgique, et qui que nous ignorions évidemment. Nous avons rencontré et j'ai rencontré beaucoup de couples. Vous avez vu la proportion importante. Bien sûr, très importante. Et encore, ils la freinent parce qu'évidemment, ils sont obligés d'abord de répondre aux demandes des citoyens belges. Alors, on va écouter maintenant le reportage de Sophie Hoffmann, puisqu'en mai 2013, et bien pour la première fois, au nom de la loi, on peut le dire, deux hommes s'unissent par le mariage. Bonjour Sophie Hoffmann. Bonjour. Et bien vous avez rencontré ce couple. Il faisait froid à Montpellier le jour où j'ai retrouvé Vincent. Mais ce n'était rien comparé à Montréal, là où était Bruno. Une connexion Skype plus tard, deux jeunes mariés réunis et quelques notes de musique. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, cette chanson? L'amour. Oui, l'amour. C'est la chanson sur laquelle on est rentré dans l'hôtel de ville. Donc forcément, pour nous, c'est un moment super émouvant. C'était le 29 mai 2013, salle des rencontres de l'hôtel de ville de Montpellier. Vous avez été le premier couple homosexuel à vous dire oui. Quel souvenir gardez-vous de cette journée? Je pense que moi, j'appréhendais que on n'arrive pas à vivre les choses entre nous deux et avec notre famille et nos amis, parce qu'évidemment, il y avait plus de 500 personnes dans la salle, mais il y en avait encore quelques centaines dehors, plus des millions de téléspectateurs, donc ça faisait quand même une certaine tension. Et après, en fait, les moments les plus intenses sont l'entrée dans la salle des rencontres. Le discours d'Hélène Mandrou était hyper émouvant. Et puis d'entendre les gens sur le parvis de l'hôtel de ville qui se manifestaient, c'était incroyable. Et vous, Vincent? Moi, la première image pour le jour J, c'est le moment où on prend notre petit déjeuner, en fait. On s'est assis à une table, puis d'un coup, on tourne la tête et on s'aperçoit, en regardant au travers la baie vitrée, qu'il y avait déjà tout un tas de caméras et de journalistes qui faisaient des directs. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais enfin, là, on a pris la mesure de ce qui était en train de se passer, en fait. Vous avez célébré en mai 2016 vos noces de Froment.

Commençons par la PMA, sauf erreur, vous me dites ainsi erreur, délétée, je crois que vous êtes favorable à son intégration dans le projet de loi. C'est vous qui parlez des trois piliers, adoption, mariage, ouverture de la PMA. Quelles ont été les raisons des réticences et finalement du rejet du gouvernement d'intégrer la PMA dans le projet de loi ? Je pense qu'il y avait des raisons objectivement politiques. Il y avait le fait que ça ne faisait pas partie, contrairement à ce que suggère Vincent, ça ne faisait pas partie des promesses du président. C'était pas la proposition 31, était vraiment uniquement adoption et mariage. Il y avait aussi, je pense, que je ne partage pas cette analyse, mais une volonté de ne pas alimenter davantage les manifestations dans la rue. On va en parler même si ça, c'était d'ailleurs. Probablement difficile d'en faire plus, d'en ramener plus d'opposition. Voilà, donc je pense que c'est les décisions. Et puis il y avait un argument technique auquel moi je souscrivais à l'époque et qui m'a fait pencher finalement vers la décision du gouvernement de ne pas le mettre dans ce texte-là, c'est que la PMA ouvre beaucoup de difficultés aujourd'hui. La loi date de 1994, elle n'est plus du tout adaptée à la France de 2016, notamment sur la recherche des origines. Et lorsque nous devrons, nous ici, et je pense qu'il faudra le faire très rapidement en France, réformer le droit de la PMA, il faudrait bien au-delà de l'ouverture aux couples de femmes. Il faudra aborder donc la question de l'ouverture aux origines. Le professeur Friedman a fait d'ailleurs un livre où il propose de nombreuses modifications. Et donc le gouvernement me proposait cette loi famille qui pouvait permettre évidemment de l'ouvrir aux couples de femmes, mais d'aller bien au-delà. Et cette loi famille, elle était sur l'établi. Je n'avais aucune raison a priori de penser que la ministre de la Famille allait être débarquée, que le projet de loi ne verrait jamais le jour. À ce moment-là, quand Jean-Marc Ayrault écrit ses tweets par écrit et qu'il s'engage par écrit, ce que nous lui avions demandé en contrepartie. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment parfois d'avoir ouvert une boîte de Pandore et d'avoir divisé les Français à un moment où ils avaient des préoccupations sociales importantes et à un moment où à travers le débat sur la laïcité, qui est un autre débat, il y avait besoin d'union plutôt que de désunion créée par une loi. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Non, mais en revanche, je me suis rendu compte par l'expérience, finalement, que la France avait, par son histoire, et nous l'avons confirmé dans ce débat, toujours avancé sur les questions sociétales et sur les questions de droit par la confrontation. Nous ne sommes pas une terre qui a hérité qui est inspiré plus que les autres et sur lequel serait tombé comme l'étape de la loi, les droits de l'homme ou tous les valeurs un peu de nature universelle que nous avons fait naître ici en France. Nous l'avons fait toujours par le conflit, par la confrontation. Et donc nous l'avons fait toujours là pour le mariage pour tous, comme nous le faisions par le passé sur l'IVG, sur d'autres avancées. Voilà, donc ça c'est la France, il faut faire avec. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir occupé pendant 6 mois le débat politique en France au détriment d'autres sujets. Les Français d'ailleurs en plus font la différence entre les uns et les autres des préoccupations. Mais en même temps, il fallait bien 6 mois pour pouvoir aussi convaincre les Français que c'était, et en tout cas leur donner toutes les clés de réflexion et de compréhension de ce texte. Et quel regard, maintenant peut-être plus distancé, avez-vous porté sur les forces sociales qui ont composé l'ensemble de l'opposition à ce projet de loi où on trouvait l'Église, les conservateurs, l'extrême droite? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon bouquin, c'était pour effectivement justement de comprendre ça. C'est-à-dire, à travers notamment les milliers de courriers que j'ai reçus, comment on peut comprendre que des personnes dans la rue, absolument pas concernées par le texte, aient pu vivre ça comme une violence à titre personnel à leur égard. Et une des raisons, je pense que ce n'est pas la seule, c'est que je pense qu'il y a quand même une partie de la France, une partie de la société qui est minoritaire mais qui est agissante, considère qu'elle représente un modèle d'elle-même. D'ailleurs, quand mon collègue brandissait la ballerine en disant « mais les jeunes filles qui portent des ballerines sont forcément des jeunes filles correctes, quoi. On ne peut pas mettre les CRS en face. » C'est une espèce de peut-être de naïveté, mais enfin de conception qu'il y a dans ce pays des familles qui représentent un modèle et que le code civil, il n'est pas là pour protéger les familles, mais il est là pour ériger ce modèle et auquel tout le monde finalement doit faire référence et doit se référer. Voilà. Donc je crois que cette France-là existe encore et nous l'entendrons sans doute dans l'avenir à travers d'autres sujets sans doute. Christiane Taubira, il faut pour une loi une incarnation aussi. Hein. Il y a eu pour l'IVG, il y a eu Simone Veil. Il y a des incarnations politiques comme ça par des ministres qui vont donner une identité aussi à la loi. Quel est aussi là votre regard sur à la fois le travail et le style de Christiane Taubira? Ah, il fallait du panache, il fallait du romantisme, il fallait effectivement aussi des dons, et elle en a dans l'hémicycle pour répondre à l'opposition et pour donner à cette loi sa dimension extrêmement finalement humaine et pas technique. Mon rôle, moi, était plutôt plus technique en tant que rapporteur dans mes réponses à l'opposition et dans les commentaires et dans les avis que je portais à chacun des 5000 amendements qu'on a défendus ou non, ou combattus. Mais Christiane Taubira, elle a effectivement incarné parce que son talent oratoire a permis notamment de nous donner des souvenirs extraordinaires. Voilà, l'Assemblée, je pense, l'histoire de l'Assemblée nationale retiendra ce débat aussi à cause ou grâce au talent oratoire de Christiane Taubira. Dernière chose, il reste quelques secondes. C'est pas le cœur du sujet, mais c'est peut-être maintenant une façon de regarder l'avenir, un autre débat qui s'ouvrira, peut-être. La GPA, on peut penser que le débat va s'ouvrir ou... Il n'y a aujourd'hui pas de majorité au sein de l'Assemblée et dans la sphère politique pour la GPA. Néanmoins, vous savez, ce texte-là, ce débat-là nous a montré que la société était toujours en avance par rapport aux législateurs, dont je me garderai de bien donner un avis pour l'avenir. Pour nos enfants et nos petits-enfants auront peut-être un avis différent que nous-mêmes sur la GPA. Eh bien, ce sera ce dernier mot sous le signe de la prudence. Merci en tout cas, Erwan Binet, pour vos éclairages et vos souvenirs, d'ailleurs, de cette bataille pour la loi sur le mariage pour tous. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mariage pour tous, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons une affaire bien sensible, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.